Gal e Viseu, Bragança 13, Guarda 12, 6 graus para as Penhas Douradas. Antena 1. Seis horas, 5 nos Açores. Olá, bom dia à família. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable nuit. On vous souhaite une très bonne journée sous le soleil de l'arc-en-ciel. Parce que côté ciel, c'est pas terrible aujourd'hui. Bah oui, de la pluie, il y a encore de la pluie, mais on est là pour vous donner le rayon d'où le sol. siempre. Cuántas mujeres él tiene como 20. Yo te hablo claro para que estemos más claros. Que el cloro que se quede con los diamantes y el oro que yo soy el lobo. One life, two worlds, English, Spanish. One night, two girls, English, Spanish. Embaraza, que es una locura. Morena, trae a mi un lado. Ninguém vai ficar parado. Quiero finisher con duro. Embaraza, que es una locura. Morena, trae a mi un lado. Ninguém vai ficar parado. Belle journée, bon réveil, 7h07 en direct ce matin. Ça me fait plaisir de vous retrouver. De la pluie malheureusement, bah ouais, hein, pas de bol, et ça va être toute la semaine. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Et on vous réveille tous les matins, vous souhaite une agréable matinée. Bah ouais, c'est comme ça qu'on dit. 7h07, côté ciel, je vous le disais, hein, de la pluie malheureusement aujourd'hui, avec beaucoup de nuages. Les températures sont plutôt pas mal quand même, hein. 8 degrés, on dépassera quand même les 14 voire 15 degrés. Et aujourd'hui, c'est la journée internationale des femmes. Donc on voulait souhaiter une très très bonne journée à toutes les femmes. Même si c'est tous les jours, comme diraient certains. En tout cas, on vous souhaite une bonne matinée. À toutes. Appelez-nous, tiens, les filles, si vous voulez témoigner au téléphone. Je crois dans 02 38 43 48 00. Des invités ce matin. Elder, on va parler d'immobilier tout à l'heure à 8h30. Il sera notre invité qui laisse ce métier qui commence à progresser, où tout le monde commence à un peu être agent immobilier. Alors on en saura un petit peu plus tout à l'heure. Et puis il sera avec nous au téléphone aussi le boss du cirque de Rome qui sont implantés en ce moment à Fleury-les-Aubrais. Ça se passe à l'espace Chapiteau à Fleury-les-Aubrais du 11 mars au 2 avril. Il sera avec nous pour nous parler un peu du cirque justement en général. Et pour voir un petit peu comment est l'état après le Covid justement. Est-ce que c'est reparti? Est-ce que c'est toujours tendance? Est-ce que ça fait toujours rire les enfants et les adultes? Eh bien on en parlera avec Monsieur Dumas au téléphone à 8h15. Et puis on aura depuis Paris normalement, si la liaison se fait, mon ami Rodrigo Ace, ouais, pour son tube qui arrive dans toutes les discothèques de France. Et ça me fait plaisir de le retrouver, Rodrigo Ace, aux alentours de 9h moins le quart. Femme que j'aime justement, bah tiens, pour toutes les filles aujourd'hui. Spécial Jean-Luc Lahaye pour toutes les filles qui viennent de se réveiller. Belle journée, bonne vie à la planète. Tu sais, je t'aime. Je sais. Bah oui, je t'aime, bah forcément. 7h12 minutes en direct ce matin. Radio France 96 de FM sous la pluie malheureusement et les nuages. La météo. Et la météo pour ce matin, je vous le disais, le ciel est très très nuageux et malheureusement ça va perdurer toute la journée. Des températures plutôt pas mal, clémentes on va dire au lever du jour, 8 degrés hein, pour dépasser quand même les 14 voire 15 degrés aujourd'hui. Et ça va durer toute la semaine. La journée la plus chaude, ça sera dimanche. On va frôler quand même les 16-17 degrés avec toujours des nuages et de la pluie. Et ça va durer encore une petite semaine malheureusement. Louis Bertignac et les visiteurs qui arrivent et ces idées-là, c'est sur la Francelle Bandi à la planète et la famille. En direct. Baby, faudrait rentrer, tu vois. Je suis en mal d'être avec toi. La machine à café détraquée, les cendriers tous renversés. Dessert. Des heures passées devant la mur de ma télé, des nuits sans dormir, à me demander, tu veux bien aller. Quel souvenir, Louis Bertignac avec ses idées-là sur Radio Franciel. Bandia Carlos qui vient de se connecter. Salut Francky, belle journée à toi. La journée internationale des femmes aujourd'hui. The Ladies, belle journée et bon réveil sous le soleil de Radio Franciel.

soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Bon dia la planète, à la familia, 7h25 minutes en direct ce matin. Coucou à Doudou qui est connecté du côté de Saint-Privé et sa maman. On nous écoute beaucoup du côté de Saint-Privé. Salut Francky, belle journée à toi. Moi, direction le taf, fais gaffe au rond-point de Fleury-les-Aubrais, ça bouche. Ah, apparemment, il y a des manifestants au rond-point de Fleury-les-Aubrais à côté du Burger King, je crois, c'est ça, ouais. Ah ouais, d'accord. Ok, mon ami, on l'a signalé, voilà, merci. Et puis, on va parler cirque tout à l'heure, on va parler immobilier, et puis on aura Rodrigo Hayes au téléphone aussi. Ça, c'est la famille, la grande famille de la Radio Arc-en-Ciel. Voici Kevin Kilvé. Pour que je me sente vexé, les critiques qu'on me faisait me peiner et me blesser. Mais tout ça c'est du passé. Je sais que je me la montais pour croquer la vie à pleine. Quand je fais selon mes idées, je vis mes envies pleinement. J'ai bien essayé de changer le passé, mais vainement rien ne changerait ces événements. Non. Passé, passé, tout recommencer, me libérer. J'ai décidé de prendre la vie du bon côté. Ça y est, j'en ai assez de m'inventer. J'ai pas qu'une seule vie, donc profiter est important. Je n'ai pas envie de nourrir des regrets à 40 ans. On ne peut pas continuer à exister en portant le lourd poids des remords d'antan. J'ai cessé de me lamenter pour croquer la vie à pleine dans mes selon mes idées, je vais mes envies pleines. Non, j'ai bien essayé de changer le passé, mais vraiment, qu'un changerait ces événements. Pour ne pas me lamenter, pour ne pas regretter. Je donne le meilleur de moi-même pour ne pas me lamenter, ne pas abandonner. Je donne le meilleur de moi-même pour ne pas me lamenter, pour ne pas regretter. Je donne le meilleur de moi-même pour ne pas me lamenter, ne pas abandonner. J'y suis arrivé, donc tu peux y arriver. Une bonne journée justement à toutes les filles. Aujourd'hui c'est la journée internationale de la femme, et voilà, on voulait vous faire ça tout en douceur. Il nous a quitté il y a bientôt 8 ans, George Michael. C'était un 25 décembre. Je voulais faire un petit clin d'œil ce matin avec l'un des plus beaux stars de la planète, One More Try. C'est George Michael sur l'arc-en-ciel. Belle journée et bon réveil tout en douceur. De la planète, George Michael. Ah, pour toutes les filles aujourd'hui, on vous souhaite une très très belle journée. Ton rayon de soleil dès 7h du matin, c'est Frankie sur Radio Arc-en-Ciel. Et il est au téléphone avec nous, c'est Monsieur Faria. Bon dia, Monsieur Faria. Bon dia. Comment tout de bien? Ça va. Et ce matin, t'es déjà au boulot sous la flotte et t'es en train de conduire une grue, là, c'est ce qu'on est en train de me dire? C'est ça. Hein. Ouais, tu fais quoi avec la grue? Je pose des gros cailloux à la mairie d'Olivet. Tiens, tu salueras le maire, là, on le connaît très bien, la radio. Mathieu Sessinger, si tu le vois passer, passe-lui le bonjour de la radio. Hein. Moi, j'ai pris le café hier avec lui, tu vois. Il est super gentil, Mathieu. Hein. C'est un super mec, hein. Tu lui passeras le bonjour de Francky de la radio. Toute la journée, tu vas poser des cailloux, là, avec la grue? C'est ça. Un job. Ça va, t'es à l'abri, parce qu'aujourd'hui, il va pleuvoir, mon ami. Hein. Il commence à pleuvoir. C'est bon, il y a la musique. C'est ça que c'est bon, mon amigo. Voilà. Et tu sais qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme. C'est ça, c'est pour ça que je vous passe une petite dédicace, une belle musique. Tu me passes une belle musique. Mes quatre femmes, parce que j'en ai quatre. Ah, t'as quatre femmes, toi, hein, carrément. Ah, ouais. C'est parce que t'as des enfants, c'est pour ça. Bah, c'est ça. Et voilà, quatre merveilleuses femmes dans ta vie. Et bravo, monsieur Ferrer. Et bien, bon courage au volant de ta grue, hein. T'inquiète. Et puis si tu vois le maire d'Olivier, tu lui passes le bonjour de ma part de Francky, hein. Ok, y'a pas de soucis. Et ben justement, Agatha, ta bonito, ça c'est pour les filles. On y va? On y va. Salut, monsieur Feria, bonne journée à toi. Desta vez não vai falhar. Mas quando cheguei à multidão, tinha tanta animação e o moreno não o vi. Será que não veio ou já está noutros braços a bailar? E então pensei para mim: tá bonito este baile. Dançar entre a multidão, o teu corpo colado, mão dele na cintura. Passito, passito, baby, eu não resisto à doçura. E o coração já faz bumbum. Já fico louco, já fico maluco. E esse morenito já não te sai da cabeça. Tu és o amor, só tu tens tudo que eu precisa. Bonito, bonito, oh, foi no bailarico. 7h38 sur Radio Arc-en-Ciel avec Tabonito Akata qui était venu à la Radio Arc-en-Ciel il y a quelques mois de ça. Ça m'a fait plaisir de la recevoir et puis de la retrouver ce matin aussi en direct ce matin. On vous souhaite une belle journée. Vous qui travaillez, bandi à la planète hein. Ton rayon de soleil dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée à vous, coucou à José qui est connecté du côté de la chapelle Saint-Mémin. Salut Francky, bonne journée à toi. Sous la pluie malheureusement, bah ouais mon ami, on n'a pas de bol hein, cette semaine. Ça va être quasiment ça tous les jours. Aujourd'hui ça va, on s'en sort plutôt pas mal parce qu'on va frôler les 15-16 degrés. C'est quand même pas mal, ouais. 02-38-43-48-00, c'est la journée internationale de la femme. Si vous voulez souhaiter une belle journée à votre femme, à votre fille, je sais pas, votre grand-mère peut-être, parce que tout le monde est les femmes, c'est ça. Bah ouais, comme a fait monsieur Farlia tout à l'heure, qui travaille actuellement sur la mairie d'Olivet dans sa grue, qui nous écoute avec le chauffage. C'est ça que c'est bon, monsieur Farlia. Belle journée avec Amama et Veggie Belt. Elles sont meringuées dès le matin. Ça va vous réveiller, j'en suis sûr. Ce matin, heureux de vous retrouver, c'est Francky dans la radio. Courage à Léonore qui est connecté du côté de Saint-Privé aussi, qui nous écoute sur le 96 de FM. Direct sur le boulot, Francky, pour moi, je commence à 8h et la pluie est bien là. Bah oui, malheureusement, mais le soleil avec Maloum, la temperatura. Cintura se acusa, ya tengo mi haga pregunta. Si ese pelo lacio, esa dos mesitos de gimnasio. Tiene volando en el espacio. Será latina o de Canadá, será boricua o de Panamá. Venezolana, ya no me importa, pero a Colombia conmigo se va. Y juro que esa noche te suelta la única meta es amanecer junto a ti. Ese pelo lacio, esa dos mesitos de gimnasio. Y juro que esa noche te suelta la única meta es amanecer. noche está caliente. Dale, mami, vente. Y juro que esta noche te estoy bailando y mi cama está sonando ese junto a ti. Su pelo lacio, por eso tú me siento de luna. Y juro que esta noche te estoy bailando y mi cama está sonando ese junto a ti. Je lui ai donné la température s'il me le demande. Maluma, Palacio avec la temperatura. Bandit à la planète, si vous êtes sur Orléans, La Chapelle ou encore Fayolosh, vous nous écoutez aussi. Sur Dri aussi, on nous écoute 96.2 FM. Merci d'être là. La température aujourd'hui jusqu'à 15 degrés. Ça, c'est la très très bonne nouvelle. El locura de amore. Oui, Bandera. Bandit à la planète, à la familia. Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, I love what you're doing to me, but keep it suavemente. Bésame, bésame, bésame otra vez.

Baila, Radio Arc-en-Ciel Orléans, 96 FM. Merci d'être là, merci d'être aussi nombreux tous les matins. Heureux d'être là. Coucou à Elodie qui fête son anniversaire aujourd'hui. Salut Francky, belle journée à toi aussi, bon anniversaire. Elle fête ses 28 ans. Happy birthday, Elodie. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Et il est avec nous au téléphone, c'est Monsieur Dumas qu'on accueille ce matin, le Cirque de Rome, du 11 mars au 2 avril. Ça va se passer à Fleury-les-Aubrais, à l'Espace Chapiteau. Bonjour Monsieur Dumas. Bonjour Monsieur. Comment il va bien ce matin? Ah ben ça va très bien, avec la météo qui est pas trop clémente, mais bon, on est en hiver. Eh, c'est ça, l'hiver est là et ça va perdurer malheureusement sur Orléans toute la semaine. Mais bon, ouais. vous êtes couvert au cirque, ça va? Ah ben voilà, l'avantage c'est que la météo dérange pas trop pour venir, au contraire, pour nous c'est très bien, parce que bon, les gens qui savent pas trop où aller peuvent venir sous notre chapiteau qui est chauffé, voilà, passer un moment agréable. Un bon moment, et ça va se passer donc à Fleury-les-Aubrais, l'Espace Chapiteau, le Cirque de Rome. Alors c'est quoi le Cirque de Rome? Alors le Cirque de Rome, alors beaucoup de gens se posent la question, pourquoi ouais. Le Cirque de Rome? Eh bien parce que du côté des grands-parents, ben, ils étaient italiens. Mmh. De Naples, et comme on est d'origine italienne, on a pris cette dénomination commerciale, le Cirque de Rome, un petit peu aussi en image, on va dire, le Cirque de Rome, c'était des gladiateurs, c'était aussi du spectacle, mmh. Mais pas du tout le même genre, et donc c'est une entreprise familiale qui existe depuis 1857. Ah oui, quand même. Alors, ouais. on va pouvoir retrouver quoi comme spectacle, donc du 11 mars au 2 avril à Fleury-les-Aubrais? Ouais, et ben disons que c'était un spectacle de cirque traditionnel. On y retrouve bien sûr le numéro phare, c'est un numéro de fauve, hein, avec des tigres normaux, tigres blancs, oui. Lionnes. Donc on a 6 fauves qui se présentent sur la piste. Oui. Et après, bien sûr, toute la magie du cirque, les clowns, les acrobates, les jongleurs, les chameaux, les lamas, les singes acrobates et funambules. Voilà, c'était vraiment un spectacle vraiment de cirque traditionnel qui dure 2 heures. Ah oui, quand même. Ouais, ça dure 2 heures de spectacle, et ça se produira donc tous les mercredis, samedis et dimanches à 16h jusqu'au 2 avril. Voilà. Alors, pour revenir, c'est ouvert à tout le monde, hein, les adultes, bien sûr les enfants qui en prennent plein les yeux, mais aussi les adultes aussi qui vont aussi en prendre plein les yeux. Ben, exactement. Vous savez, le cirque, l'avantage, c'est un spectacle qui est un spectacle vivant, un spectacle culturel, où est-ce que les gens viennent surtout beaucoup en famille, hein, c'est les parents avec les enfants ou les grands-parents avec les petits-enfants. Donc, c'est vraiment ouvert, c'est un spectacle qui s'adresse à tout le public. Le cirque fait partie d'un patrimoine quand même culturel français national, parce que bon, le cirque a été créé en France. Hein. Mmh. Ah oui, d'accord, bah oui, j'en apprends tous les jours. Ouais, le cirque a 253 ans de vie en France. Hein. Il est né en France par un écuyer qui s'appelait Philippe Asselet, qui était un monsieur qui avait créé cela dans l'art équestre avec des chevaux à la base. Et puis après, bon, ben, ça s'est modernisé avec des acrobates, d'autres genres d'animaux. Et donc on est vraiment le pays, la France, le pays de la création du cirque. Ben, on peut nous applaudir alors. On peut vous applaudir aussi. En tout cas, ben, il y a ça, et puis vous savez qu'il y a les trapézistes sont aussi originaires de France. Hein. Mmh. C'était un Toulousain qui s'appelait Léotard, Jules Léotard, qui a inventé le trapèze volant. D'accord, donc on est fiers. On peut être fiers en France alors. Exactement, on peut être fiers de cet art noble qui est le cirque, parce qu'il faut savoir que le cirque, c'est un spectacle qui est mondial. Dans tous les pays du monde, il y a des cirques. Et voilà. En tout cas, on peut vous retrouver donc du 11 mars au 2 avril à l'Espace Chapiteau à Fleury-les-Aubrais. Un beau chapiteau, du beau spectacle. On m'en prend plein les yeux. Et ça nous fait plaisir de vous recevoir ce matin à la radio. Merci, Monsieur Dumas. C'est moi qui vous remercie et puis ben, bienvenue à la population et puis un espace qui est très chaleureux, un très bel emplacement qui a été créé pour l'événement qui s'appelle bien, on a bien de la chance, Chapiteau. Hein, l'espace Chapiteau. Voilà, c'est ça. Merci à vous, rendez-vous le 11 mars. Exactement, vous êtes les bienvenus. Belle journée, monsieur Dumas. Au revoir. Sous le soleil de Radio Arc-en-Ciel et puis c'est la journée mondiale internationale de la femme aujourd'hui. Camaro avec Femme Like You. Le meilleur des souvenirs, bah oui, la journée internationale de la femme. Alors si vous n'avez pas de femme ce soir, et bah tant pis, hein. Il y a la Ligue des Champions pour les mecs qui sont célibataires. Bayern PSG, ça c'est du lourd. Hein. Ouais. C'est ce soir. Bonne journée, bon réveil. On va parler d'immobilier à 8h30 avec Kelder et puis on aura avant 9h Rodrigo Ace au téléphone. Que te quiero sentir, sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir. Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir, sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando, después de estar tomando, si te miércoles a jueves, porque el fin de semana tú eres pa' mí. cuando lo mueve así, por encima de mí, dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir, sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir. Ay, broma bandida, lo que tú buscabas, tú me enloqueces por la manera en que bailas, rico se siente, como tú te mueves, mamá, quiero tenerte siempre aquí, mamá, cuando te mueves así, el pulso se me acelera, y me puedo morir, de una y mil maneras, síguelo haciendo así, bailando eres la primera, tú me enloqueces, tú me arrebatas, me desacatas. Yo soy loco cuando lo muevo así, tú encima de mí, dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir. Yo soy loco cuando avec vous, ça, ce matin, dans la bagnole, sur la tangentielle peut-être. Heureux d'être là, c'est Francky dans la radio. Merci de nous rejoindre le matin, vous êtes de plus en plus nombreux. Et allez au cirque, hein, du 11 mars au 2 avril, allez voir le cirque de Rome. Sympa, monsieur Dumas, franchement, ça m'a fait plaisir de l'avoir au téléphone. Ah ouais, un peu de douceur, de tendresse dans ce monde de brut. À toutes les filles, ce matin, bah oui, national, international. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Éthique, Angela. Ton visage me dit quelque chose. Je t'ai déjà croisé dans la ville. Je vais pas te mentir, j'ai pas maté tes choses. T'es la plus fraîche si tu veux mon avis. Vas-y, prends mon tel. Quand tu veux ta pêche, je serai à l'hôtel. Dans un nuage de fumée, je te vois derrière les vitres teintées. Ça sent, je vais quitter l'inté. Avec Attic, la reprise des Saiyan Sopa Crew. Redette avec vous, c'est Francky dans la radio. Je suis là jusqu'à 9h sous la pluie, malheureusement, aujourd'hui. Pas de soleil prévu ni toute la semaine, mais les températures sont plutôt pas mal. Hein. 14-15 degrés sur Orléans, Saint-Privé, ou encore la chapelle Saint-Mémin. Le son de Ray Mandela qui arrive 8h21 en direct ce matin, Radio Arc-en-Ciel, 96 FM. Faz e voltas, eu ainda estou aqui. Quando amo, eu dou tudo. Este amor é um caso sério, impossível desistir. Não mereço ficar preso na saudade. E quando fim.

7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Mi corazón me pide más, nena. Dámelo, baby. Mi corazón me pide más. Ce matin en direct, Radio Conseil 96.2 FM, merci d'être là, à nous rejoindre. Salut Rodrigo qui vient de se connecter sur Orléans. Salut Francky, belle journée à toi. Direction le taf, je commence à 9h. Pétante, ça bouge un petit peu. J'aime les CD, voici DJ Neymar et Boy Teddy. Belle journée et bon dia à la planète. Essas tuas brincadeiras, só perdoei-te antes é porque eu te amava. Agora toma, baby, as tuas consequências. Já decidi, não quero mais estar a insistir. Eu vou partir, talvez seja o melhor pra mim. Só perdoei-te antes é porque eu te amava. Consequência, eu já decidi que não quero mais ficar aqui. Foi bom enquanto durou, mas hoje acabou, tudo passou. Eu já decidi que não quero mais ficar aqui. Foi bom. Fait du bien. Fait du bien, un peu de kizomba comme ça le matin. Avec DJ Ademar, j'ai décidé. Courage à vous si vous allez au taf aujourd'hui. Peut-être que vous êtes en mode enfant. Bah oui, aussi. Puis la journée internationale des femmes ce matin. Même toute la journée d'ailleurs, en partie ce matin. Donc bonne journée à toutes les femmes aujourd'hui. Le son de la réunion qui arrive avec la famille. DJ Assad, Willy William, Alain Ramanisium et Lee Tourney. Bon réveil. matin, il fait beau à La Réunion, hein, je peux vous le dire. Hein. Nous, le temps il est pourri justement au point météo de Palmas, c'est notre invité qui arrive, Elder. La météo. La météo, le ciel aujourd'hui est chargé, nuageux malheureusement ce matin, et des pluies sont prévues encore cet après-midi, dans la soirée, dans la nuit également, les températures 7 petits degrés levés du jour, on va frôler les 13 voire 15 degrés, et malheureusement ça va être comme ça toute la semaine. Si vous êtes sur la route du boulot, eh bien il vous accompagne de Palmas sur la route, et notre invité, monsieur LDR, dans les studios de la radio, on va parler immobilier dans moins de 5 minutes. Voici monsieur Gérald de Palmas. Peut-être du boulot pour vous ce matin, ou alors la nounou pour les enfants, c'est mercredi, aujourd'hui, belle journée. Et bon réveil, si vous voulez arriver du côté d'Orléans, ça me fait plaisir de vous retrouver tous les matins, 7h-9h. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Mal de gorge ce matin, et je l'accueille, Elder dans les studios de la radio. Bonjour Elder. Salut. Ça va la forme? Bon, super. Un agent immobilier, ça se lève de bonheur. C'est pas que les agents immobiliers. Tout le monde se lève de bonne heure. Exactement. C'est vrai, il y en a qui se lèvent vraiment très tôt aussi. Hein. On pense à vous justement qu'ils vous le super bonheur le matin. Je sais que c'est pas facile en ce moment. Et avec tout ce qui se passe, l'inflation, etc. Ah là là, il faut aller bosser. Il y en a même qui font deux jobs en même temps. Hein. Ah ouais, ouais. Alors, comment se porte, avant d'attaquer un peu les bons plans immobiliers, les astuces, les arnaques, hein, comment se porte l'immobilier en ce moment, en cette période de fin d'hiver, on va dire? Bah, en cette période de début d'année, bon, l'immobilier, on entend beaucoup de choses. De tout et rien, on entend. Que ça soit dans les médias, à la télé. En général, quand même, l'immobilier se porte bien. Ouais. Donc, Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'on entend beaucoup, on a des gros problèmes de financement. Oui, on a un peu plus de problèmes de financement, mais... C'est vrai qu'aujourd'hui, les banques suivent moins, hein. Bon, c'est surtout que il y a un an, on prêtait à des taux très très bas, et aujourd'hui, on revient à des taux un peu plus normaux. Ça va, ça se stabilise alors? Exactement, je pense que même pour une économie stable, il faudrait revenir à ces taux. Bon, après, c'est sûr que pour le particulier qui emprunte, plus il emprunte à des taux plus bas, plus il pourra acheter cher. Mais je pense en effet que l'immobilier se porte bien, qu'on va revenir à une période stable d'ici quelques mois. Quelques mois. J'ai un pressentiment que c'est certains, c'est une reconversion d'être dans l'immobilier. Beaucoup de personnes travaillent ailleurs, n'arrivaient plus à travailler et se reconvertissent justement agent immobilier entre guillemets. Est-ce que c'est un peu la réalité ou alors c'est une fiction que je me fais? Alors, c'est un peu des deux. C'est-à-dire que c'est vrai que ce métier est un métier de reconversion parce que on a beaucoup d'agents immobiliers, en fait, on va dire plutôt mandataires qui sont indépendants. Donc, c'est plutôt le salariat ne correspondait pas à certaines personnes et ils ont voulu se reconvertir dans un autre domaine où l'immobilier, qui est aussi humain et qui permet de concrétiser des projets de vie. Et en plus, l'avantage de ce domaine, c'est que on va pouvoir aussi travailler un peu où on veut. Ouais. Et on va aussi pouvoir adapter sa méthode commerciale à soi-même. On en voit plus qu'avant, j'ai un pressentiment. Est-ce que, justement, comment éviter l'arnaque, entre guillemets? Comment aller vers les bonnes personnes? Parce que ça se développe de plus en plus. Moi personnellement, j'en vois de plus en plus. Je vois de plus en plus d'affiches de com sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Alors, comment ne pas se faire arnaquer? Comment aller vers les bons agents, les bons mandataires? Est-ce que ça, il y a une solution? Déjà, comment on s'en rend compte, justement? On en voit plus parce qu'on communique beaucoup plus. C'est vrai qu'avant, on était beaucoup agence physique et donc il fallait aller dans une agence et on communiquait pas trop sur les réseaux. Aujourd'hui, le futur, c'est plus le physique, c'est vraiment Internet, les réseaux. C'est plus les petites affiches. Hein. Exactement. Bon, ça existe et ça marche sur certains types aussi de personnes, mais on va vraiment plus sur les réseaux parce que aujourd'hui, quand vous cherchez un bien, vous rentrez après le boulot, vous cherchez sur Internet, vous n'allez pas en une agence à 18h pour aller voir sur la vitrine s'il y a un bien qui vous correspond. Ouais. Après, alors l'arnaque, c'est comme dans tous les métiers. Il y en a partout. Il y en a partout. Il faut faire attention. Les offres trop alléchantes, c'est comme partout. Il y a pas le bon plan pour vous réservé. Souvent, cache quelque chose. Aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de systèmes qui permettent de noter, que ce soit les agences, les agents ou les mandataires. Donc sur Internet, vous allez vous taper le nom, vous regardez un peu les commentaires. C'est un peu comme les restos. En fait, on a le même système, ça s'appelle ImoAdvisor. C'est comme TripAdvisor. Est-ce que c'est pas un piège, justement, les réseaux Google en mettant des commentaires? Parce qu'on peut y aller une fois être déçu dans un resto ou sur un mandataire. Et puis, on sait que le gars, moi j'en connais, qui travaille toute l'année, travaille comme des fous. Et puis malheureusement, cette fois-ci, on est mal tombé. Est-ce que c'est dur à gérer, justement, cette chose-là? C'est assez dur. Alors, si je parle juste de Google, c'est un petit peu différent parce que tout le monde peut mettre un avis. Ouais. Alors qu'ImoAdvisor, il faut vraiment avoir fait une vente, il faut vraiment être passé devant le notaire. Déjà, c'est des avis qui sont vérifiés. Après, la chose, c'est comme quand vous regardez sur un restaurant. Si vous avez quelqu'un qui est vraiment insatisfait, déjà, il faut regarder le commentaire parce que des fois, c'est pas du tout fondé. Et le professionnel peut aussi répondre, peut se justifier. Oui, des fois, c'est des dossiers compliqués. C'est juste que la personne n'a pas eu ce qu'elle voulait. Des fois, c'est la concurrence. C'est la concurrence. Non, mais c'est vrai, il faut être honnête. Il y a plein de choses. Après, il faut pas juste être candide, regarder un avis et dire je prends de l'avis comme si c'était la vérité. Des fois, il y a des gens mal intentionnés qui préfèrent voir et constater de mes propres yeux et puis de goûter ou alors d'aller voir. C'est mieux. Après, de toute façon, quand vous appelez un professionnel de l'immobilier, vous allez passer un peu de temps avec lui, vous allez voir de vous-même s'il vous correspond pas. Bien aujourd'hui sûr. Il y a tellement de professionnels de l'immobilier, ça sert à rien d'aller en voir un en particulier s'il vous correspond pas. vous en avez pas mal, vous les faites venir et vous, ouais, vous choisissez celui qui vous correspond le plus. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui avec l'inflation, justement, non, avec les manifs, les grèves qui se passent en ce moment, de vendre, d'acheter? Alors, c'est beaucoup plus, plus compliqué qu'avant, mais on a eu deux années, on va dire, qui étaient un petit peu exceptionnelles, les années post-Covid, où de toute façon, le financement était pratiquement tout le temps garanti et les gens voulaient aussi améliorer leur qualité de vie. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu beaucoup plus de demandes aussi pour des achats. Et d'un autre côté, on n'avait pas autant de ventes que ça parce qu'on n'a pas autant de biens que ça sur le marché. Les auditeurs qui nous écoutent, peut-être ont des questions. C'est ce que me dit Léonie. Bien vendre sa maison, alors c'est quoi les bons plans pour bien la vendre? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement aujourd'hui? Alors, pour réussir à bien la vendre, une maison, je sais pas, de 150 000 euros, par exemple. Alors, pour bien la vendre, en fait, c'est assez simple. C'est quand vous mettez en vente votre bien, il faut que le bien soit dépersonnalisé pour que les gens puissent se projeter dedans. Ça, c'est vraiment le plus important. On dit toujours, si vous voulez mettre en vente votre bien, finissez vos petites finitions, désengorgez les pièces, retirez tout ce qui est trop personnel pour pouvoir déjà donner envie aux gens. Parce que c'est comme partout, hein. Vous vendez une voiture, si elle est toute sale, toute cabossée, les gens, vous allez. Après, c'est peut-être un signe, une voiture, quand on la lave de trop, qu'elle est trop propre, on se dit, il y a quelque chose qui va pas. Non? Ça dépend, Il y a des gens qui sont méticuleux, qui sont fiers de leur voiture aussi. Ouais. Mais, non. Déjà, ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, c'est de faire venir un ou plusieurs professionnels qui vont pouvoir aussi vous conseiller. Parce qu'on fait aussi du home staging. Des fois, vous avez vu des émissions sur des chaînes on populaires. A l'air, Dedans, il y a beaucoup de cinéma. Il y a beaucoup de spectacles. Après, malheureusement, parce que les grosses chaînes de télé sont obligées de préparer. On peut pas faire ça à l'arrache sur les grosses chaînes. C'est ça. Et souvent, c'est miraculeux. Ils y arrivent toujours à la fin. Toujours. Aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est que sur le marché, tout se vend. On dit souvent, il faut un certain type de bien. Tout se vend. Par contre, il faut être au prix du marché. Et avec la demande qui a été croissante de la région orléanaise qui attire beaucoup la région parisienne, on a eu des prix qui ont augmenté. Mmh. Et donc souvent les gens ils disent « mais mon voisin il a vendu tant ». Mais il faut comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire qu'il va falloir vraiment comparer les prestations. C'est pour ça que si vous faites venir un vrai professionnel, lui il va pouvoir vous dire « votre maison, l'estimation allait de temps à temps parce que. Parce que toi par exemple t'arrives sur place, tu procèdes comment alors? La maison, t'arrives avec le propriétaire, il dit je la vends demain. Le propriétaire, lui, il me fait visiter la maison, il me présente tout, un peu l'historique, tout ce qu'il y a, tout ce qui a été fait. Et après aussi, on fait intervenir des professionnels, les diagnostiqueurs qui vont faire tous les diagnostics. C'est un peu comme le contrôle technique. Tous les diagnostics et qu'on voit toutes les prestations, si vous avez une cuisine bas de gamme, si vous avez une cuisine haut de gamme, des choses comme ça, si vous avez une piscine, toutes ces prestations vont être... L'environnement aussi. L'environnement, c'est très très important. L'environnement, la taille du terrain... Imaginons, il fait visiter une maison la journée, je sais pas, j'ai une connerie, on sait pas que derrière, à 3h du matin, il y a un train qui passe. C'est ça. À 3h, et toutes les nuits, à 3h, un train de marchandises. Mais ça, on sait pas. Mais ça, c'est notre métier, de savoir s'il y a le train qui passe, s'il y a la tange qui est pas très loin, je sais pas si... Il y a si le coq du voisin, toutes les nuits. Alors, le coq du voisin, tout ce qui est voisinage, ça, c'est un petit peu différent parce que vous pouvez vendre une maison, vous entendre bien avec les voisins, ça change, et demain, le voisinage. vous pouvez aussi manger le coq. Mais le voisinage, c'est un petit peu différent. Par contre, tout ce qui est environnement, c'est très très important. Ouais. En fait, on prend vraiment toutes les caractéristiques du bien, et après, on va comparer aussi avec tout ce qui s'est vendu, tout ce qui se vend, et aussi comment se porte le marché local. Ouais. Et grâce à ça, on va pouvoir faire une estimation vraiment détaillée. Et après, de toute façon, peu importe si c'est un professionnel, quand c'est un professionnel qui la vend, c'est vraiment toujours le propriétaire qui définit le prix. Nous, on est là vraiment avec notre devoir de conseil de leur dire, ça se vend ce prix-là. Après, si la personne veut vendre plus cher, elle est aussi, elle prend aussi le risque de pas la vendre. Tu vois, ta belle vitrine, puis vous, votre belle vitrine, c'est surtout quand le propriétaire est satisfait de la vente. Par exemple, demain, tu vas vendre une super maison ou une maison. Le propriétaire est content, tu l'as bien vendu. De toute façon, nous, 70%. Un bon avis, un truc sympa, ça aide aussi. D'une, ça aide, et de deux, moi, 70% de mes ventes, c'est du bouche à oreille. Parce que comme je suis indépendant, en fait, je fais partie d'un réseau d'indépendants. On n'est pas comme une agence où vous allez dans l'agence et en fait les gens mécaniquement vont aller dans l'agence. Nous, c'est le bouche à oreille surtout qui fait marcher. C'est la qualité de notre travail. C'est pour ça que soit j'ai 100% de clients satisfaits, soit si j'en ai un d'insatisfait, ça devient très très compliqué quand tu travailles pour toi-même. Donc tu bosses bien en ce moment? Bon, je bosse bien en ce moment, avant et dans le futur aussi. Dans le futur. Donc plus il y a de bouche à oreille, plus on travaille. C'est ça. Un peu ça. C'est ouais. Exactement ça, mais c'est un peu d'amis comme... en amis, peut-être aussi, les amis. Les amis, la famille, ouais. Toi, je sais pas, j'ai une affiche, recherche de biens à vendre. Voilà, il y a plein de choses, l'associatif. En fait, il faut vraiment, développer le réseau. C'est vraiment la force de ce type de métier, c'est d'avoir un bon réseau. Mais c'est un peu comme tous les professionnels. Hein. Bien sûr, demain, ouais. Vous êtes un autre professionnel, un plombier. Bah, vous voyez, si vous travaillez pour vous-même, c'est vraiment le bouche à oreille qui va ouais. Pouvoir... Tu mènes ton enquête, toi, la journée? Tu te trimbales un peu Ah bah bien sûr, le quartier. Et tu regardes un petit peu le quartier, tu te dis, tiens, ça peut être intéressant. Bah, de toute façon, je fais beaucoup de prospection parce que après, c'est sûr que le réseau est important. Mais ce qu'il faut aussi, c'est toujours montrer qu'on est présent sur le sur le quartier parce que il y a beaucoup quand même de professionnels et c'est vrai que quand vous vous baladez, bah vous voyez un panneau, je sais pas, d'une agence, un panneau d'une autre agence, un panneau d'une autre agence. Est-ce que ça fait pas peur ça justement de voir trop de panneaux un peu partout de toutes les agences? Alors moi je suis pas. T'affiches ton panneau toi aussi avec ta tête et tout? Bah j'affiche quand j'ai un bien en vente. Ouais, mais après sinon j'en mets pas partout parce que c'est vrai que bah ça dépend aussi de la sensibilité des gens. Il y en a qui apprécient, il y en a qui veulent pas, qui ressentent ça un peu comme de la pollution visuelle. Donc après, ça dépend vraiment, vraiment de comment je le sens. Mais c'est bien aussi, quand vous mettez en vente, de mettre un panneau, parce que statistiquement, vous avez 30% des gens du quartier qui sont potentiellement des acquéreurs. Ah ouais, qui vont passer. Ouais, mais c'est vrai que moi le facteur, les choses comme ça, vous passez dans la rue, j'en sais rien. Enfin, en fait, la puissance de toutes ces choses-là, du visuel... des réseaux, elle a été un petit peu sous-estimée ces dernières années. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de panneaux, parce que c'est très très puissant. C'est puissant. Ta meilleure vente, toi? Ma meilleure vente, c'est-à-dire? Au niveau tarif, moi j'aime bien parler de tarif un peu. C'est-à-dire honoraires, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux savoir? Ouais, ton honoraire, et puis après, ta meilleure vente, elle s'est faite à combien? Combien t'as pu... Ah, la plus chère? Alors ouais. Moi, c'est pas forcément la... Moi, je cherche pas forcément sur les... Bon, moi là, j'ai vendu... 500, 600 000? Non, 350. Ah, parce que moi, je suis plus spécialisé dans le nord-est d'Orléans, vers Vency... sympa par là. Boigny, toute cette partie, ouais, qui se développe beaucoup. On a beaucoup de une zone industrielle qui est en train de se développer. Ouais, gauche là, après les parfums là. C'est ouais, ça, c'est exactement. Ouais. Bah, il y a le Cosmetic Park là, qui est en train de se développer. Ouais. Il y a un hôtel qui a sert, enfin pas mal de choses. Et donc, c'est vrai que les prix sont quand même moins chers qu'Orléans. Et on n'est pas très loin d'Orléans, c'est vrai. On n'est pas très loin d'Orléans. En effet, on n'est pas très loin. C'est pour ça que ça attire beaucoup de gens. Mais comme ça a été toujours des petites communes, bah on n'a pas non plus une infinité de biens en vente. Ouais. Mais voilà, moi je suis plutôt dans ce genre de biens. Après, bon, j'ai pas forcément de biens records. Ce que je vais où je vais aller, bah c'est plutôt où on me conseille. Et après, bah c'est au cas par cas. Hein. L'avantage aussi quand t'es indépendant, c'est que tu travailles avec qui tu veux. Tu travailles avec qui tu veux. Tu travailles combien? Le taux horaire, c'est quoi? Alors je sais pas du taux horaire. Hein. Tu sais quand tu travailles pour toi-même, voilà, c'est à la vente. Alors, moi j'aime bien parler chiffres. Une maison à 350 000 là, tu vas prendre combien là-dessus? Alors attends, j'ai pas. Moi je suis entre 3 et 4%. D'accord. Ça dépend du prix. Moi, le calcul. Voilà. C'est entre 3 et 4% parce que, en fait, ça dépend, t'es dans quelle fourchette. C'est par fourchette. De toute façon, moi, c'est public. Vous pouvez avoir accès à mes honoraires. Je fais pas d'honoraires à la tête du client. C'est-à-dire que mon boulot, c'est toujours le même. Ouais. Et, j'essaye d'avoir, d'adapter vraiment au prix de la maison mes honoraires et surtout mes prestations. Et après, dans ce métier, on essaie aussi de se différencier. On fait des choses assez modernes. Tout le monde ne le fait pas. Moi, je fais beaucoup de visites virtuelles. Ça me permet aussi d'intéresser des gens qui viennent de loin, qui peuvent pas se déplacer. Et ça permet aussi, par exemple, de la visite virtuelle, de pas déranger les propriétaires. Ouais. Parce que c'est vrai que... Il y en a qui aiment bien être tranquille. Non, mais même le soir, par exemple, tu me donnes ta maison en vente. Je te dis, j'ai une visite ce soir. Il faut que tu nettoies. Il faut que Pour ranger le chien, voilà. Pour bloquer ta femme. Ça, je sais pas, mais c'est ce genre de choses qui sont un petit peu contraignants, alors ouais. qu'avec la visite virtuelle, déjà, bah, tu fais en sorte de le faire la journée pour savoir comment la luminosité elle, se passe dans la maison. Ouais, la maison est toujours rangée et ça permet, voilà, de, le jour où tu fais la visite, bah, les gens connaissent déjà le bien. Justement, on parlait des visites, donc c'est bien de faire des visites le soir et le jour aussi, parce que des fois, le contraste, il est important, parce qu'il y a des choses qu'on voit pas ou qu'on voit. Bien sûr, c'est toujours, déjà, ce qui est important, c'est d'en faire plusieurs. Ouais. Ce qu'il faut faire même attention. La nuit, hein. C'est bien. Bah ça, si c'est possible. 3h du matin, je vais visiter la maison. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est que même quand vous avez le coup de cœur, voilà, vous achetez pas une baguette de pain. Donc, ouais. Il va falloir aussi se raisonner, aller aussi peut-être se faire conseiller avec quelqu'un qui est un petit peu moins dans le, pour qu'il voit un petit peu plus les défauts. Ouais. Après, je veux dire, quand vous achetez une maison aussi qui n'est pas neuve, bah, vous l'achetez avec ses qualités ouais. et aussi avec ses défauts. Ouais. Mais voilà, visiter plusieurs fois une maison. De toute façon, si vous passez avec un vrai professionnel, bien formé et qui aime son métier, il vous fera que visiter des biens qui pourraient vous correspondre. Exactement. Avant de se quitter, tiens, une autre question, moi, j'en ai une bonne là. Les vis cachés. On a acheté la maison et là, manque de peau, bah, il y a un vis caché. Ça se passe comment après, tiens? Alors, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. C'est compliqué, si, ça, si à gérer, avez, si vous avez une maison qui a moins de 10 ans, ouais. en fait, vous avez une garantie qui s'appelle décennale. Et donc, cette garantie de 10 ans peut couvrir des vis cachés de structure. Donc ça, ouais. c'est la première chose. Si la maison a plus de 10 ans, donc si la maison a plus de 10 ans, quand vous passez chez le notaire vous le dit bien, vous achetez la maison avec ses atouts et aussi avec ses défauts. D'accord. Donc voilà. Après, faites-vous bien conseiller. De toute façon, vous avez tous les diagnostics qui sont pour la vente. Vous avez des diagnostics obligatoires qui vous permettront de vous renseigner sur sur l'état de la maison. Juste un dernier truc. Ouais. Donc on a le temps. Il est en retard, ah, monsieur ouais. Victor. Bon bah c'est parfait. Bah je voulais juste aussi parler. Je voulais juste aussi parler d'une petite chose. aujourd'hui aussi, je suis en train de me spécialiser dans la vente de biens au Portugal. Ah bah ça tombe bien, on est sur une radio portugaise. Bah voilà, donc en fait on a créé une petite équipe avec une partie financière, une partie immobilière qui nous permet voilà de pouvoir proposer des biens au Portugal et aussi de pouvoir proposer bah tout ce qui va être administratif pour pouvoir emménager, on va dire sous les 4 mois. Ah bien, ouais. Bah bien. Donc voilà. Si vous avez besoin de renseignements, vous nous contactez à la radio ou on va mettre ton lien, hein, y a ouais, pas de problème. N'hésitez pas, ça sera avec plaisir. Voilà. Et même si vous avez juste des questions, de toute façon, notre métier principal c'est le conseil. Après, on gagne de l'argent avec les ventes, mais si vous avez besoin d'un conseil, ça sera avec plaisir que j'y répondrai. Bah voilà, une belle initiative en tous les cas. Voilà, si vous voulez peut-être acheter ou alors investir au Portugal, et ben voilà des bons plans ce matin. En tout cas, de temps en temps, tu vas venir à la radio nous parler un peu d'immobilier, ça ouais. fait du bien. Hein, ça, on ça apprend plein de plaisir, choses. Ouais. Moi j'apprends plein de choses, tu vois, que je connaissais pas, et ça me fait plaisir de te recevoir, LDR. Merci d'avoir été là ce matin, LDR 96.2 FM, ça nous a fait vraiment vraiment plaisir. À très vite. Salut. On se revoit de temps en temps, hein. Okay. Tu veux nous parler d'immobilier, ça sera notre agent immobilier de la radio. Voilà. OK, c'est parfait. Merci. Salut LDR. Salut. Il sera sur la scène le 22 avril au bal de la radio, c'est Josh Guerrero sur Radio Arc-en-Ciel et Victor qui arrive. On est un petit peu à la bourre mais c'est pas grave, il est là Victor. Bon dia à la planète. Hein. Mais voltar sempre ao mesmo lugar. Sei, todas as portas se podem abrir, dia após dia até conseguir. Dá-me a mão, vamos tentar uma vez mais. Saber que se pode, querer que aconteça, esquecer os medos, deitá-los para fora, pintar tua cara com a cor da esperança, pintar o futuro com o coração. É melhor perder do que nunca te achar. Melhor tentar que deixares de tentar. E assim vais ver que não é difícil começar. Sei que o impossível se pode alcançar e que a tristeza um dia irá. E assim será, a vida muda e mudará. Vem sentir que a alma voa, vem